Bonjour à vous les amis, vous êtes bien sur Fat Jack, à l'instant de point émission Code Jubilee Love. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien les amis. Aujourd'hui nous retrouvons pour une nouvelle émission reggae, où je vais vous présenter 8 artistes fabuleux. Allez les amis, je vous propose qu'on commence par notre premier artiste, qui est Teya. Et vous allez voir, le titre de la chanson c'est Coupé Décalé. C'est une chanson ivoirienne. Et je peux vous dire qu'elle déglingue tout. C'est une dinguerie. Comme je le dis à chaque émission, c'est une dinguerie. Allez, tout de suite, coupé, décalé, let's go. Voilà, Merasta, c'était coupé décalé de Tia. Allez, notre prochain artiste est un remix du groupe NTM qui est Ma Burns. Franchement, je crois que c'est l'une de mes chansons préférées du groupe NTM. Après, quand même, ne laisse pas traîner ton fils, hein. Ça c'est clair. Mais vraiment, non, Ma Burns, elle est super bien quand même. Je l'adore. Donc c'est tout de suite Ma Burns, let's go. Dun dun dun. Régale des sexy, viens voir Go City. Original Wakaman dans la ville de Paris. Viens, t'es jolie dans ton Versace. Viens t'amuser avec un DJ top celebrity. Son but c'est One Bouge, carré sur le groove. J'aime les girls, surtout quand les girls mouvent. Hey, move up, rock comme une loupe. Bouge ton corps de la tête aux pieds. Et là, je t'approuve, c'est move up, girl, wine ton body. Montre-leur que t'as pas peur d'exciter tous les bandits. Ouais, comme une vipère, si t'as le savoir-faire. T'inquiète pas, y'a pas ta l'air, je dirais ni à ton père ni à ta mère. J'ondule comme un ver de terre. Jette-moi dans les yeux ton regard de l'éther. Laisse-moi zoom zoom zing, quand t'as plein spence spence. Girl, quand tu wet, ton bon passe avant dun dun dun. Laisse-moi zoom zoom zing, quand t'as plein spence spence. Girl, quand tu wet, ton bon passe avant dun dun dun. Laisse-moi zoom zoom zing, quand t'as plein spence spence. Girl, quand tu wet, ton bon passe avant dun dun dun. Laisse-moi zoom zoom zing, quand t'as plein spence spence. Ce soir, on se fâche, bébé, on se clash. Clairement, ouais, faut pas qu'on fasse ça bêtement. Tant que move ton body, fais bander les bandits. Puis ton bande à bandits, on t'en sortira grandi. Tu sais ce qu'on dit, faut que ça glisse. Et puis que ça transpire, ça me fout en transpire. Faut plus que je respire, tu donnes-moi. Ton doigt donne tout ce que t'as. Ça c'est fou ce que t'as comme talent, mais où c'est t'as. Appris tout ça, après tout ça. Je me fous juste que tu puisses me kiffer jusqu'à l'eau. Donc vas-y monte, sur la scène c'est le fond. Je m'accroche pour mes poches et mes proches ne me reprochent pas de ramener les sentiments. Tantan, pour ce match, final mission. Contre Russian, for my people, Roger, c'est Chanyao. Ta full chain est Joey Rusta. Oui, ta Zanzi et Flex Monster. Oui, y'a qu'un chez nous qui pèse pas. C'est rare comme une pute qui suspend, qui baisse pas. S'il y a qu'un tune qui t'intéresse, pas. Clic, clic, y'a des claques qui se perdent. Ouais, va star Flex, va bien foutre la merde. This is for my people, notre dans les danses. Pas, pas, represent, for my people. This is for my people, notre dans les danses. Eh bien voilà, Merasta, c'était Ma Benz de NTM. Allez, notre troisième artiste est Ramsen. C'est une chanson martiniquaise et le clip est sur tes lèvres. Et c'est du zouk. Et vous allez voir, c'est une dinguerie. Comme d'habitude, c'est parti pour Ramsen. Run to the scene again. Je t'en me rendrai l'évidence. bien voilà, mes Rasta, c'était Ramsen sur tes lèvres. Allez, notre quatrième artiste est un artiste très très très connu dans le monde du reggae, tout simplement, qui est Tonton David. Et il y a une chanson que j'adore de lui, c'est la chanson qui s'appelle Ma Number One. Et je l'adore, je la surkiffe. Et je vous la passe tout de suite sur Radio Fadjet. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. 9 fois beau chaud dans son ventre, je n'avais besoin de rien. Après c'était pas une autre qui m'a donné son sein. Elle m'a tendu sa main dès que j'en avais besoin. Quand j'habitais chez elle, je n'avais jamais faim. Elle a travaillé dur, oui ça j'en suis certain. Elle a très mes blessures, oui ça j'en suis témoin. Oh je l'aime tant. Laisse-moi dédier cette chanson pour maman. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez leur dire ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. On s'est pas toujours compris, mais ma foi tant pis, je l'aime. Et ça, tu n'y peux rien. Tu n'as que seule maman, même si t'as 50 copains. Et puis un copain, ça reste jamais qu'un copain. Oh maman, laisse-moi pleurer pour toi. Jeune homme, regarde un vagabond comme moi. Les ambiances familiales, je suis pas trop avec ça. Mais rien ne me met si bien que prendre ma mère dans mes bras. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez, l'air de ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez, l'air de ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Je n'avais besoin de rien. Après c'était pas Bruno qui m'a donné son sein. Elle m'a tendu sa main dès que j'en avais besoin. Quand j'habitais chez elle, je n'avais jamais faim. Elle a travaillé dur, oui ça j'en suis certain. Elle a clé mes essais, oui ça j'en suis témoin. Oh je l'aime tant. Laisse-moi dédier cette chanson pour maman. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez, l'air de ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Allez, l'air de ça pour moi. Il y a tant de femmes dans mon cœur, mais c'est elle ma number one. Eh bien voilà, Merasta, c'était le grand Tonton David, ma number one. Allez, notre prochain artiste, pour nous remettre un petit peu dans l'ambiance, un peu dansante comme ça, je vais vous passer Passy. C'est la chanson que tout le monde connaît, c'est obligé. C'est la chanson Laisse parler les gens. C'est obligé que tout le monde connaisse cette chanson. Obligé. Et je la passe tout de suite sur Fadjet. Let's go. Hey yo! Ratatatatatata. Yeah man, special combination. Justin Shella, original choc. Yeah man, respect all time. Laissons parler les gens. Laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Je viens des Antilles et moi je vis ailleurs. On dit que chez toi les hommes sont tous beaux parleurs. On dit du mal sur vos hommes et leurs valeurs. On s'en fout. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Vas-y, vas-y. Laisse parler. Voilà, Mera, ça c'était pas si laisse parler les gens. Elle est notre sixième artiste, est un groupe qui s'appelle Magic System. Et si je vous passe Magic System, c'est pour la simple et bonne raison qu'ils sont faits il y a quelques années de ça. Une reprise du grand Alpha Blondy. Et vous allez directement reconnaître la chanson. Donc je vais pas vous dire comment s'appelle la chanson car je suis sûr que vous allez directement la retrouver. C'est tout de suite, let's go. Yeah, Magic System, hommage à Alpha Blondy. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Sweet, sweet, oh, oh. Yeah. Bien voilà, Merasta, c'était Magic System, Sweet Fanta Diallo. Allez, notre dernière musique est Lucky Roots. C'est un groupe chinois. Eh ouais, je vous passe du reggae chinois, les gars. Est-ce que c'est pas bien, ça? Eh si, man. C'est juste une dinguerie pour le dimanche soir. Un petit Lucky Roots, et vous allez voir, pour ceux qui connaissent pas, car ça m'étonnerait que beaucoup de gens d'entre vous connaissent ce groupe, donc... Vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste une tuerie. Et non pas une dinguerie. Enfin, si, quand même, mais surtout une tuerie. Vous allez voir, c'est super bien. Cette émission est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, je sais, Lucky Roots est un groupe chinois très particulier. C'est clair et net que c'est très très particulier. Mais moi, j'adore et j'étais obligé de vous faire partager ça. Car franchement, je me suis dit, c'est sûr qu'on a certains qui vont kiffer. C'est sûr, pas tout le monde, mais certains. Car moi, en tout cas, je kiffe. C'est super chelou, mais j'adore. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Une bonne semaine à tous. Et nous, on se retrouve dimanche prochain à 21h sur Fat Jet. Salut tout le monde. 看出真假没有他。